Là, c'est la photo de mon anniversaire. J'avais 12 ans. Oh, mon premier flirt au bal du 14 juillet. La photo de mon mariage. Celle-là, c'était en mars, au dîner des anciens. Forcément, un jour, tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Quand vous faites un leg à Médecins du Monde, votre engagement continue. Et là, c'est le docteur qui me soigne. Lui, c'est mon cousin Babou. Lui aussi, on le soigne. Médecins du Monde, léguez-nous vos volontés. Demandez votre brochure sur leg.medecinsdumonde.org. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Que reste-t-il de la Première Guerre mondiale? Des pages dans les manuels scolaires et des documentaires à la télévision? Des monuments aux morts dans nos villes, nos communes? À nos enfants morts pour la France? Des musées aussi, l'historial de la Grande Guerre de Péronne, le mémorial de Verdun, le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, le musée de l'armée à Paris, le musée de la Somme 1916... Et dans nos maisons, parfois quelques souvenirs, ici un casque, là une douille d'obus sculptée dans les tranchées pour devenir vase. Au fond d'une armoire, la correspondance d'un grand-père. Et puis, il y a la mémoire familiale. Tiens, par exemple, moi, mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale. Étrange, grand écart générationnel. Il a été blessé au cou à Verdun d'un éclat d'obus. Et puis, il y a les images, en nombre incalculable. Des dessins, des gravures, des photographies, des heures gravées sur pellicule. Les images mentales, gravées dans nos mémoires, se confondent avec les images d'archives qui construisent notre mémoire collective. Les unes et les autres, venues du passé, forment l'image de ce que nous sommes aujourd'hui. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à la Première Guerre mondiale, au nouveau regard porté sur ce conflit, un conflit d'une ampleur qui nous surprend. Et l'utilisation des images est notre sujet aujourd'hui, des images nombreuses pour ce conflit, pour ces 4 années qui, en réalité, ont duré bien plus de 4 années. Gabriel Le Baumin, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste, réalisateur de documentaires, de films. Gabriel Le Baumin, c'est ce qui vous a intéressé dans ce documentaire qui va être diffusé ce soir sur France 3, « Après la guerre, l'impossible oubli ». C'est une démarche géniale, je trouve, de regarder la guerre après la guerre. Vous êtes sur quelle période dans votre documentaire? Alors, quand on a commencé à réfléchir à comment clore cette période de commémoration, moi, j'ai tout de suite senti qu'il fallait faire un film qui ne montre pas la guerre, qui ne montre aucune image de guerre, aucun combat, mais dans lequel la guerre serait omniprésente, et elle l'est. Donc, on a borné le film, si je puis dire, entre le 11 novembre 1918... Et on a déroulé la première année. Qu'est-ce qui se passe le 12 novembre 1918? Qu'est-ce qui se passe le 25 novembre? Et ainsi de suite. On remonte toute l'année 19 et on finit à la fin de l'année 1920, le 11 novembre, par un événement symbolique, un grand rituel républicain, qui est donc l'inauguration du soldat, de la tombe du soldat inconnu. Et donc on déroule le film sur ces 24 mois et il se passe durant ces 24 mois d'extraordinaires choses, des événements et le foisonnement d'images dont vous parliez. Moi, j'ai été très surpris en travaillant ma documentation sur ce film par l'avalanche d'images. Il y a énormément de choses à voir, mais qui nécessitent d'être recontextualisées, analysées et présentées. Elles sont très riches, ces images, et elles nous parlent de la guerre, mais de la guerre après la guerre, de ces traumatismes humains, ces traumatismes dans notre environnement urbain, ces villes détruites, et puis même dans les campagnes, la guerre a été vraiment omniprésente. Nous allons en parler donc avec vous, Gabriel Le Baumin, et également avec Laurent Verret, historien, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, auteur de « L'avènement d'une culture visuelle de la guerre, le cinéma en France de 1914 à 1928 ». Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien, Anaïs qui assure également la programmation du cours de l'histoire, Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller écouter un témoignage, celui de Joseph Paul Boncour. Paul Boncour, c'est son nom, homme politique, avocat. Paul Boncour, c'est l'avocat qui représentait la famille Jaurès lors du procès de Raoul Villain, l'assassin de Jean Jaurès. Et Joseph Paul Boncour se souvient du 11 novembre 1918 et de l'armistice. Quand le 11 novembre 1918, tout à coup, sur toute l'étendue de l'immense front qui barrait l'Europe d'un réseau de fils de fer barbelé de la mer du Nord aux Dardanelles, se furent apaisés les tonnerres. Quand la sonnerie des cloches à sol rompu le silence, une immense espérance a traversé nos cœurs. Cette espérance, elle était faite du sentiment général et profond que c'était la dernière des guerres. Que ceux qui étaient morts pour que ce soit la dernière, que jamais plus le monde ne reverrait cette hécatombe. Et ce n'était pas seulement l'espérance des vivants, c'était la promesse suprême qui avait été faite à nos morts, à tous ceux qui étaient tombés sur les champs de bataille et dans les yeux desquels, quand ils se fermaient pour toujours, on aurait pu lire leur protestation suprême contre la guerre. Joseph Paul Boncour qui revient sur l'armistice en 1918. Joseph Paul Boncour, député de la Seine en 1919. Et Gabriel Lebaumin, c'est cette période qui vous intéresse. C'est la période de l'après-guerre. Il faut le rappeler et le rappeler sans cesse. Le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. La terre d'Eder, une immense espérance. Oui, mais les soldats ne rentrent pas chez eux directement. Ça prend énormément de temps, cette fin de guerre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pense que l'armistice, c'est la fin des combats. C'est la fin des combats, mais ce n'est pas la fin de la guerre. La guerre est suspendue en attendant les traités de paix qui, eux, interviendront au mois de juin avec la signature du traité de Versailles. Donc, on commence à démobiliser. On démobilise les plus anciennes classes, les soldats qui sont mobilisés depuis très longtemps. En revanche, les jeunes qui sont là depuis 2 ans au front continuent à être mobilisés dans les casernes. Ils attendent, ils piaffent d'impatience. On voit bien dans les courriers qui sont lus d'ailleurs par l'état-major les sentiments d'exaspération et d'impatience. Et ils vont rester mobilisés 18 mois encore parce que non seulement il est possible que la guerre ressurgisse, mais on a besoin d'eux pour aller reconquérir, réinvestir plutôt l'Alsace et la Lorraine. Donc la guerre n'est pas terminée. Et c'est ce que ce film qui est diffusé ce soir aborde, c'est en fait le prolongement de la guerre, du temps de guerre dans le temps de paix. Il est diffusé ce film sur France 3, donc c'est à 21h, hein, après la guerre, l'impossible oublié. Et bien justement Gabriel Lebaumin, nous allons écouter un extrait de votre film sur ce moment incroyable où les soldats ont quitté les tranchées, ont quitté le front, sont retournés en caserne. On ne sait jamais, les Allemands vont peut-être revenir, attendons les traités de paix, mais en caserne, les soldats s'impatientent. Dès le 14 novembre, le contrôle postal signale les premiers signes d'impatience. On espère qu'on va s'occuper de nous, et qu'après 5 années de souffrance, on va nous délivrer, nous qui avons sauvé la France. La même semaine, un autre enchérit. Si au moins on se dépêchait de nous renvoyer, on pourrait faire les semailles. Mais on nous en parle même pas. Les soldats commencent à comprendre. L'armistice, ce n'est pas la fin de la guerre. Non, c'est simplement la suspension des hostilités pour une durée de 36 jours, en attendant la signature des traités de paix. Et la démobilisation va encore durer 18 mois. Après la guerre, l'impossible oublie, votre film documentaire Gabriel Lebaumin qui est diffusé ce soir sur France 3. Tout de suite, il faut le dire parce que c'est le matériau magnifique dont vous disposez mais qu'il est difficile de manier, ce sont ces images d'archives. Donc vous avez été puisé dans les fonds, dans les réserves, dans les archives. Vous les connaissez bien par expérience personnelle. Racontez-nous Gabriel Lebaumin, comment vous avez eu accès dans votre vécu bien avant de faire ce film à toutes ces archives. Eh bien, moi, j'ai eu la chance, si je puis dire, de faire partie d'une des dernières générations à faire son service militaire et je l'ai fait au service cinéma des armées. Et donc, c'est là où, en fait, j'ai découvert et je me suis confronté à cette matière que je ne connaissais pas du tout. J'avais pas une culture historique particulière. Et simplement, pendant un an, j'ai pu circuler dans la cinémathèque du Fort d'Ivry et découvrir à la fois les millions de clichés de photos et puis les bobines, les heures de films. Moi, j'étais réalisateur de fiction et donc ça m'intéressait d'aller voir les films. Et c'est là où j'ai commencé à approcher cette matière qui est en fait, qui est pas une matière morte, qui est une matière vivante. Il faut savoir la regarder, il faut savoir créer du récit, il faut savoir voir le hors-champ. Et donc je me suis toujours intéressé aux archives et d'ailleurs les archives ont pas mal nourri mon travail en fiction. Mon premier long métrage de cinéma, Les Fragments d'Antonin, que j'ai tourné il y a un peu plus de 10 ans, je me suis emparé de documents d'archives qui étaient les films médicaux tournés par le service cinéma des armées sur les blessés psychiques et j'ai déroulé une histoire fictionnelle. Donc voilà un petit peu dans mon parcours. parcours. Ensuite, pour ce film-là, on a travaillé avec une dizaine de cinémathèques. Et pour vous donner un petit peu le ratio, pour faire un film de 90 minutes tout en archives, nous avions dans la machine, dans la salle de montage, 80 heures d'images. C'est-à-dire qu'encore une fois, on le disait tout à l'heure, on a l'impression aujourd'hui, dans nos années 2020, qu'on filme tout et tout le temps. C'est vrai. Mais c'était vrai à l'époque, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une séquence qui était au scénario que je n'ai pas pu illustrer par des images. Et même, les images ont imposé dans le film des séquences que je n'avais pas imaginées, puisque je ne les connaissais pas, qui sont souvent des séquences de détails, mais qui nourrissent le film. Donc, il y a un foisonnement d'images. Et c'est incroyable, parce que le cinéma, entre 14 et 18, filme globalement en plan moyen et en plan large. Et bizarrement, en 1919, on ose se rapprocher des gens. Et par exemple, il y a des gros plans qu'on n'a jamais eu de Clémenceau, de Poincaré, du président Wilson. Quand je dis des gros plans, c'est vraiment des plans très près, très rapprochés. Comme si les caméramans inventaient une grammaire et surtout se libéraient de cette réserve et de cette pudeur. Donc il y a une vraie évolution entre 19 et 20 dans la façon de filmer. Donc on est juste après-guerre et c'est vrai que le cinéma a intéressé l'armée. D'ailleurs, Gabriel Lebaumin, dans quel état sont ces archives? Vous les connaissez bien, elles sont immenses. On imagine hein, ces archives des premiers temps du cinéma, on est au début du XXe siècle, donc elles sont en bon état, on a beaucoup de choses utilisables. Oui. Alors nous, on a fait sur ce film-là un travail de restauration, c'est-à-dire que toutes les archives qui sont présentées ce soir sont restaurées, recolorisées, resonorisées. Ça, c'est la contrainte aussi de la diffusion au prime time, qui est un cahier des charges voilà, qui permet de rendre le film plus accessible aussi. Mais à l'origine, ces archives sont plutôt en bon état. D'abord, il y a eu des campagnes de restauration au sein du ministère des Armées depuis des années pour sauver ce patrimoine, et elles sont parfaitement accessibles. On pourrait même les utiliser sans les restaurer. Hein. Franchement, elles sont dans un très bon état. Et on a travaillé aussi beaucoup avec des archives américaines, des archives qui montrent aussi le regard des Américains sur la France et sur les pays des sur les régions dévastées. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes très intéressés par le travail des historiens et par tous ceux qui diffusent ce travail des historiens. Donc vous, Gabriel Lebaumin, vous n'êtes pas historien, vous faites du cinéma, mais vous faites œuvre d'historien, en tout cas d'écriture de l'histoire sous forme de films documentaires, et puis vous diffusez l'histoire. Vous vous appuyez sur des travaux d'historiens. Comment on construit un documentaire comme ça? On va voir des historiens et on écoute ce qu'ils disent. Mais absolument. Alors déjà, un réalisateur, c'est quelqu'un qui se nourrit d'histoire, et donc forcément, histoire avec petit H ou histoire avec un grand H, pour moi ça se conjugue, ça se rencontre. Et j'ai pas un film, que ce soit en documentaire ou quand j'aborde en fiction, quand j'aborde l'histoire, je cherche toujours à m'appuyer sur des gens qui ont le savoir. Parce que franchement, des gens qui ont travaillé 20 ans, 30 ans ou 40 ans sur un sujet, évidemment ils en connaissent tous les détails, ils en connaissent toute la matière, toute la complexité, puisque l'histoire, c'est l'espace de la complexité. Nous arrivons là, on a 3 mois pour fabriquer un film, 4 mois, quelle prétention que de vouloir arriver à leur cheville. Donc moi, j'ai besoin d'eux. En l'occurrence, pour Après la guerre, qui est diffusé ce soir, Bruno Cabanne, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur le retour de guerre et sur les concepts d'intimité après la guerre, a été mon conseiller historique et a été un précieux soutien. Mais quand j'ai travaillé, par exemple, sur la guerre d'Algérie, Benjamin Stora a été mon allié. Sur la collaboration, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Azéma. Je viens de finir là une fiction qui sortira l'année prochaine pour le cinéma sur le couple Yvonne et Charles de Gaulle, où Olivier Vievorka était notre conseiller historique. Donc j'essaye toujours de trouver des alliés qui viennent à la fois nourrir, qui viennent aussi contester, hein, parce que ma vision, elle est la mienne, mais elle est forcément à renforcer. Et donc c'est de la discussion, c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours eu affaire à des historiens qui ont compris que le langage audiovisuel, cinématographique, n'était pas le langage écrit. Et que la densité, la richesse, la profondeur d'un livre qui fait 300 pages, par exemple, eh bien, ne peut pas concurrencer le commentaire d'un documentaire qui, au plus long, va faire 40 feuillets. Voilà, donc ils l'ont compris et ils jouent le jeu. Et moi, je suis heureux quand un film, à la fin d'une projection ou d'une diffusion, des spectateurs ont envie d'aller approfondir en allant justement chercher le savoir auprès des livres. Voilà, c'est modestement ce que l'on fait tous, en fait, même dans une émission de radio. Nous savons qu'en une heure dans le cours de l'histoire, on ne va pas pouvoir faire un séminaire universitaire, mais au moins donner les bases et donner l'envie d'aller plus loin et d'écouter la parole des historiens. Et puis vous, Gabriel Lebaumin, par votre démarche et notamment par la fiction, ce n'est pas le cas ce soir avec votre documentaire Après la guerre, l'impossible oubli, mais vous avez fait de la fiction, ce qui permet également une autre approche d'un moment historique avec votre votre film Les Fragments d'Antonin, c'était le cas, vous donnez chair aux soldats à la Première Guerre mondiale, parce que après la guerre, il y a des soldats dans les casernes, il y a énormément de soldats morts, et il y a surtout des soldats blessés, traumatisés. C'est le cas d'Antonin. Fuit le regard des autres. Quelque chose lui fait honte. Quand on l'a retrouvé errant le long d'une voie de chemin de fer, 3 mois après la fin des combats, Antonin Verset était incapable de dire qui il était. Incapable de soutenir le moindre regard. Seuls des prénoms, 5 au total, constituaient son langage. Répétés inlassablement plusieurs dizaines de fois par jour. S'agissait-il de proches, de membres de sa famille? Nous avons retrouvé les siens. Aucun de ces prénoms ne correspond à sa vie du temps de paix. Mais Antonin Verset n'a rien d'un amnésique. Ses souvenirs sont au contraire très précis. Il les vit comme une réalité physique. Son corps est traversé de gestes, rametant les images du passé. Les Fragments d'Antonin, votre film, Gabriel Lebaumin, un film en 2006. Et nous entendons ce petit bruit de cinéma, parce que dans cette scène-là, il y a la projection d'un film. Donc il y a cette mise en abîme de l'image. Exactement, exactement. Et le film d'ailleurs s'ouvre par des images d'archives, les images des traumatisés de guerre filmées par les services médicaux de l'époque. Et la première séquence montre la fabrication de ces images, c'est-à-dire qui fabriquait ces images, pourquoi on les fabriquait, à quoi elles servaient. Et effectivement, là, on est au moment où les médecins, je vais employer un mot contemporain, débrief les images, commente ce qu'il voit, il transmet, ce professeur qui est joué par Aurélien Recoing, à ses élèves, les conclusions de ses observations, et les images qui sont tournées par lui dans le film et qui étaient tournées à l'époque servent de support pédagogique. Voilà, oui. Donc c'est une mise en abîme effectivement de l'archive et des personnages de fiction dans une matière archive. On a tourné des fausses archives pour le film et j'ai utilisé des vraies archives pour le générique, donc j'aime beaucoup travailler et circuler à l'intérieur de tout ça. Voilà, mais pour un film particulier qui est Les Fragments d'Antonin, et là le documentaire sur France 3 Après la guerre, l'impossible oubli, nous sommes dans une autre démarche, mais moi je m'interroge face à cette densité d'archives, tout ce qu'il y a. Parce que, vous l'avez dit, c'est une période qui est assez longue, l'après-guerre quand même. Ce sont plusieurs mois, quelques années. Et dans cette période-là, il y a une production d'archives gigantesque. À manier, cela est très difficile. Et à vouloir dire quelque chose aussi, c'est très difficile. Vous vous êtes emparé de ces archives. Et comment, en tant que réalisateur, en tant que scénariste, vous arrivez à dire... Moi, je veux qu'à la fin de mon documentaire, les gens retiennent ça. Parce qu'on retient une, deux idées, et puis après, le maximum, on peut aller le rechercher ailleurs. Mais il y a 1000 choses dites dans un documentaire, mais on veut qu'une idée forte passe. Alors, c'était quelles idées pour votre documentaire ? Alors moi, je pars toujours très ouvert, sans avoir forcément une idée, sans avoir un matériel que je veux absolument plier à ce que je pense, parce que ce que je pense n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer d'approcher ce qu'était l'époque. C'est la chose la plus difficile, parce que même si c'est pas si vieux, 100 ans, et on le voit dans les images, c'est un monde qui a totalement été balayé. C'est pas si vieux, en gros. Non, c'est rien du tout. C'est deux fois nos vies, en moyenne. Oui. voilà, donc... et pourtant, c'est un monde qui n'existe plus, y compris dans les psychologies, dans les sensibilités, les choses ont vraiment changé du tout au tout. Donc, je laisse un petit peu venir les choses à moi. Ce que je fais, c'est que je structure d'abord, d'un point de vue historique, les dates qui sont incontournables. Je construis vraiment un canevas historique. Encore une fois, je vous ai parlé des deux dates qui ouvrent et terminent le récit. 1919-1921. Voilà, avec ces moments forts que sont l'armistice et le soldat inconnu. Et à l'intérieur de ça, je fixe les dates qui sont vraiment des dates qui font bouger les lignes, qui font avancer le récit. Et ensuite, en travaillant avec les historiens, et en l'occurrence là avec Bruno Cabanne, on essaye de placer des thématiques. En l'occurrence, la thématique qui nous est apparue comme une évidence, c'est celle de la résilience d'une société. C'est-à-dire comment cette société, à la fois à titre individuel, familial, collectif, à la fois dans les corps, dans les âmes et dans les paysages, dans les constructions, et comment cette société qui a pris un choc de 4 années de violence, réussit finalement assez vite à reconstruire, à repartir de l'avant. Comment, en fait, il ne se place pas en victime. Ça, c'est très intéressant. Par rapport à notre époque, où la victimisation, le placement de chaque événement dans un prisme victimaire, à l'époque, on voit bien que on repart. On repart avec une énergie et une envie de reconstruire qui est assez étonnante. Donc, c'est ça qui est arrivé comme le thème, finalement, central du film. La reconstruction, malgré tout. Et quand même, il faut rappeler les chiffres. 1,5 million de morts, 3,5 millions de blessés, des territoires entiers dévastés, détruits dans l'est et le nord de la France, des départements détruits à 90%, des villages déclarés morts pour la France. C'est-à-dire que l'omniprésence de la mort, la pénétration absolue de la mort dans la vie, dans la société, eh bien malgré tout, on repart. C'est intéressant de voir comment nous, dans nos sociétés où on subit aussi des violences, et on voit bien dans les dernières années, les violences terroristes, etc., nous ont profondément bouleversés, impactés, ont fait bouger beaucoup de choses dans la société et dans nos vies et dans notre rapport aux autres. Et on voit bien comment là, malgré la disproportion, quand même, si on parle de chiffres, la durée de la guerre, 4 années et demie, eh bien comment on reconstruit tout de suite. Et les débats sont souvent les mêmes. Par exemple, un détail, la cathédrale de Reims est détruite. 350 obus, on sait que les Allemands ont voulu cibler cette cathédrale parce qu'elle était symbolique, parce qu'elle était la cathédrale des rois de France, parce qu'il fallait absolument la mettre à genoux. Elle a tenu, mais elle est profondément détruite. Et il y a un débat qui traverse l'opinion publique qui est très intéressant, c'est faut-il reconstruire à l'identique ou faut-il reconstruire différemment, en modernisant et ainsi de suite. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a eu exactement le même débat avec Notre-Dame. Donc c'est intéressant de voir qu'à la fois, il y a un bouleversement et un changement de société total, et en même temps, il y a des grands moteurs psychologiques qui sont toujours à l'œuvre. J'aime beaucoup ce que vous dites, Gabriel Le Baumin, parce que c'est vrai que ces débats du passé font écho aux débats du présent. Et puis vous avez utilisé le mot reconstruction, et dans les pages des manuels scolaires, et puis même très facilement un peu partout, après-guerre, donc après l'armistice du 11 novembre 1918, on parle de reconstruction. Cette reconstruction que l'on imagine souvent comme reconstruction des villes détruites. Et vous avez parlé de la cathédrale, mais la reconstruction prend plein d'ampleur, reconstruction, on pourrait même dire de la face pour ces gueules cassées. Vous avez parlé, vous avez réalisé les fragments d'Antonin. Et puis cette reconstruction, elle n'est pas visible. Parfois, il faut reconstruire ce qui est détruit de manière cachée. C'est notamment le cas de tous ces traumatismes. Nous allons juste écouter un extrait. Alors, c'est un chant de Noël. Chant de Noël de Claude Debussy. Chant de Noël, Noël des enfants qui n'ont plus de maison, qui a été composé en 1915. Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris jusqu'à notre petit lit. Nous n'avons plus de maison, oh là, oh là. C'est Claude Debussy en 1915 pour le Noël des enfants qui n'ont plus de maison. Gabriel Le Baumin, vous faites un documentaire en travaillant sur cette période que l'on a souvent résumée avec le mot reconstruction. Montrer la reconstruction d'une ville est quelque chose que l'on imagine très bien. Montrer la reconstruction d'un visage, on peut le montrer parce qu'on a des images de ses gueules cassées. Montrer la reconstruction d'un pays traumatisé par tous ses maris, frères, enfants, morts, par tous ses orphelins, c'est très difficile aussi à faire. Et là, il y a tout un travail d'écriture, en fait, de jeu entre l'archive, de trouver la bonne archive et l'écriture. Comment vous réfléchissez autour de cette question du montrer ce qui est difficile à montrer ? C'est très intéressant parce que vous posez une question qui est centrale dans un film d'archives où tout doit être à l'image. Et puis aussi parce que nous vivons, nous parlons d'une époque où ce qui n'est pas montré, a priori, n'existe pas. Alors comment on fait ? Vous citiez l'exemple des gueules cassées. Effectivement, ça a été très documenté par tout simplement les services médicaux qui ont filmé ou photographié les différentes étapes de la reconstruction du visage à des fins cliniques, etc. Mais effectivement, quand on est dans le domaine de l'intime, comme le film propose de se placer par certains moments du récit, on n'a pas d'image. Alors il faut chercher. Par exemple, moi j'avais une séquence à laquelle je tenais, qui était la séquence des violences conjugales. C'est-à-dire qu'on assiste en 1919 à l'explosion des violences conjugales sans la motiver, mais en gros, les soldats reviennent de la guerre chargés de violence. Pendant 4 ans, on leur a demandé de faire et de subir la violence, d'appliquer et de recevoir la violence, et donc du jour au lendemain, rentrer chez soi, ça ne va pas de soi. Et on assiste à une explosion, on le voit dans les rapports de police, des brutalités, des violences, des assassinats aussi, on appelle ça aujourd'hui des féminicides, mais voilà. Et, et l'explosion des divorces. On divorce 4 fois plus en 1919 qu'en 1920. Mais comment montrer ça? Il n'y a aucune image, il n'y a aucune photo, il n'y a aucun... voilà. Et donc il faut trouver, en fait, l'allégorie. C'est-à-dire, moi je me suis dit, ben, finalement, essayons, puisqu'on ne peut pas rentrer dans l'intimité des foyers, restons à l'extérieur. Trouvons des images qui nous montrent l'extérieur des foyers. Et j'ai demandé aux documentalistes de me trouver des images de rues, Paris et d'autres villes, filmant des façades, des volets qui se ferment, des toits de cheminées, des toits et des cheminées fumantes, pardon, des façades vides, sans personne. Et donc on monte comme ça, par allégorie, l'idée de famille qui se referme à l'intérieur d'elle-même, et la violence est dite par le texte, mais elle n'est pas montrée, elle est suggérée. Mais ça passe, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, d'ailleurs c'est ce que j'ai apprécié dans votre documentaire, Gabriel Le Baumin. C'est de ne pas écarter certains aspects qui sont obligatoires pour comprendre une période, et c'est ce qu'on évoque. Alors là, la violence conjugale, le fait que les soldats reviennent, et c'est vrai qu'après 4 ans de guerre où ils ont été confrontés à la violence, ils ont conservé cette violence, ou alors ils ont été habitués à une certaine ration de vin qui n'a pas fait du bien à ces bonhommes. Fallait le dire, tout ça. Oui, c'est vrai que dans les archives du fort de Vincennes, on a trouvé cette information hallucinante qui était, parce que tout était consigné, le nombre de litres de vin qui était distribué aux soldats quotidiennement. Alors moi j'ai buté sur le mot quotidiennement, je dis c'est pas possible, 5 litres par soldat tous les jours. Et je dis c'est pas quotidien, et en fait oui, c'est les rapports sont 5 litres quotidien par soldat. C'est-à-dire que les soldats qui sont au front, qui sont dans les tranchées, qui partent à l'assaut, sont des soldats qui sont dans un état d'ébriété. Mais bon, le phénomène, il est de toutes les guerres. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'au Vietnam, c'était la guerre, c'était la drogue. Et dans toutes les, aujourd'hui, les kamikazes aussi. Enfin, vous voyez, tous les actes où on va faire sacrifice de soi, enfin, sacrifice de soi plutôt, l'alcool, la drogue et tout ce qui fait qu'on perd la raison, c'est au centre de l'action. Et donc, les soldats rentrent de la guerre, dans des états de... voilà. Ils sont pas en forme. Hein. Ils sont pas en forme, et l'alcool reste central dans leur vie. Donc forcément, le cocktail, il est explosif. Alors, ouais. Dans le travail que vous faites de réalisateur d'un film documentaire, c'est vrai qu'il y a une volonté d'écouter l'historien, de construire vraiment un discours sans rien oublier parce que l'archive ne nous le dit pas, et puis de construire un discours qui correspond à... alors, la vérité historique, on sait bien qu'elle est difficile à atteindre, mais en tout cas, à l'état de la recherche historique aujourd'hui, en 2019, c'est-à-dire un siècle après les faits. Et malgré tout, dans cette histoire, il y a quelque chose de patriotique, de propagande. Dans toutes ces images-là, on ne peut pas échapper à ça. Alors c'est difficile de montrer des images à la radio, des images de 1919, parce qu'il n'y a pas de son. Nous allons faire un petit saut dans le temps. Nous allons en 1957, quand le président de la République, René Coty, inaugure un monument. Le président de la République, ancien soldat de 14, a tenu à présider à Moussy-le-Vieux l'inauguration du monument élevé au colonel Picot qui fonda en 1921 l'Union des blessés de la face. On sait l'importance de cette œuvre qui a consolé, aidé, soigné et qui console, aide et soigne encore ces blessés dont on peut dire qu'ils sont plus blessés que les autres. Plus que les autres en effet, il leur fallait du courage pour rentrer dans la vie, pour reprendre une place au milieu de tous. Le colonel Picot et son œuvre des gueules cassées les auront magnifiquement aidés dans cet effort. La Fédération mondiale des anciens combattants donne aujourd'hui, dans des épreuves sportives qui ont réuni des mutilés de 9 nations, la preuve magnifique de cette sorte de miracle humain. On admirera cette volonté de vivre et de rester des hommes complets chez ces autres grandes victimes que sont les amputés. Qu'un unijambiste, qu'un aveugle saute ou court, c'est l'affirmation héroïque d'une volonté devant laquelle il faut se taire avec humilité. Quand surtout on voit ces coureurs aveugles qui doivent être accompagnés pour suivre la ligne droite, on peut penser que ces hommes auraient pu se déterminer à vivre diminués. Ils ont choisi, eux, de rester des hommes. Nous étions en 1957, il faut rappeler, la mémoire de la Première Guerre mondiale était d'une vivacité durant tout le XXe siècle, le début du XXIe siècle. Aujourd'hui, ça change, on le sent bien. C'est un autre monde, et puis il y a d'autres traumatismes, et puis il y a surtout ces mémoires qui ont disparu, c'est tous ces témoins. Beaucoup de ces sons, beaucoup de ces images sont des images issues des autorités, donc de la propagande. Quand on fait un travail comme le vôtre, Gabriel Le Monin, le Baumin, on fait un travail à partir d'images qui sont orientées. mais vous, vous devez prendre la distance pour porter un autre regard. Ça doit être difficile, il faut malgré tout recontextualiser et dire attention, cette image a été construite dans un but particulier. Moi, en tant que réalisateur, je l'utilise pour montrer peut-être autre chose. Mmh. Oui, c'est une vigilance à avoir, parce qu'effectivement, on peut aussi se laisser séduire par des images. C'est pour ça qu'on est très heureux quand on trouve des images amateurs, parce que souvent, évidemment, elles n'ont pas d'orientation particulière, en tout cas pas de volonté de propagande, elles sont juste le témoignage d'une sensibilité. Mais sur les images officielles, on reste vigilant, et surtout, on essaye de les décrypter. Par exemple, sur le film Après la guerre, on a une grande séquence sur le retour de la Lorraine et de l'Alsace dans le territoire national, dans le Giron français, et on pointe le fait que beaucoup de ces images sont tournées par le service de propagande qui est créé à cette occasion. C'est-à-dire que devant la méfiance des soldats, devant l'inquiétude des Alsaciens et des Lorrains, c'est-à-dire le fait de recoller ce morceau du pays après 47 ans de domination allemande, c'est pas simple. C'est pas simple pour les uns et c'est pas simple pour les autres. Tout de suite, on crée le service de propagande qui produit des images, des allégories, des images symboliques, des images fraternelles et ainsi de suite. Donc, dans le film, on le pointe, on le montre, mais on le pointe. Alors, ça nous sert à raconter, mais on dit, attention, ces images sont des fabrications. Mais globalement, on tombe aussi sur... Moi, je sais que, par exemple, sur ce film, je suis tombé sur une image d'archive. Je n'imaginais pas raconter par le détail, raconter ainsi cette séquence. Justement, on parle de l'Alsace et de la Lorraine. On tombe sur des images qui sont tournées le 14 juillet 1919. Quand je vois la date sur la bobine, je me dis, ça c'est intéressant, le 14 juillet 1919, j'espère que c'est pas un défilé. Et c'est pas un défilé, ce sont en fait des jeunes gens, des jeunes Alsaciens, qui se baignent dans le Rhin, au pied du pont de Kehl. Le pont de Kehl, c'est le pont qui est construit pour relier l'Alsace à l'Allemagne après la guerre de 1870 et le rattachement à l'Allemagne. Et donc on voit ces jeunes gens, le 14 juillet 19, se baigner comme des jeunes gens se baigneraient dans un fleuve un jour de canicule. Et je les utilise vraiment comme ça, c'est-à-dire en disant le Rhin, qui a été non seulement la frontière, évidemment l'objet du conflit, etc., n'est plus qu'un bain de bienfaisant pour ces jeunes gens. Et donc ça, c'est aussi, je dirais, la magie des archives qui vous amène de façon très surprenante ce type d'image et d'illustration pour raconter un événement plus grand. Après la guerre, l'impossible oubli, donc c'est ce soir sur France 3 à 21h avec ses différents niveaux de lecture, ces images. C'est vrai que vivre, revoir ces images, c'est vraiment une émotion. Et puis après, il y a ce récit, cette construction. Donc merci beaucoup Gabriel Lebaumin. On vous retrouve donc ce soir à 21h sur France 3. Et pour tourner la page, avant de retrouver Laurent Verret qui lui va nous parler de la production d'images par l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Donc pour tourner la page, It's a Lovely War, c'est une comédie musicale, un film musical britannique de Richard Attenborough en 1969, un autre regard porté sur la Première Guerre mondiale. Oh, Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, sur France Culture, nous nous intéressons à la Première Guerre mondiale et notamment aux images de cette Première Guerre mondiale, ces images que nous voyons régulièrement, aujourd'hui encore, dans les actualités. Mais que sont ces images? Pour nous en parler, Laurent Verret, bonjour. Bonjour. Alors Laurent Verret, vous êtes professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous êtes l'auteur de « Avènement d'une culture visuelle de guerre, le cinéma en France de 1914 à 1928 ». C'est à Nouvelles Éditions Place. Laurent Verret, ce que je vous propose, c'est que nous allons écouter Marcel Lherbier, donc réalisateur français avant la Première Guerre mondiale, qui lui-même découvre le service cinématographique des armées pendant la guerre et qui donne son témoignage en 1968. Nous écoutons Marcel Lherbier. J'étais à l'artillerie, mobilisé, affecté à Vincennes, et c'est vraiment par le plus grand des hasards que je me suis vu un jour affecté à la section cinématographique de l'armée. Je n'étais pas du tout cinéaste avant la guerre, je ne connaissais pas le cinéma et je le connaissais toujours très peu. Mais à la section, j'avoue que j'ai pris un contact très intéressant avec cette forme nouvelle d'expression dont je m'étais servi un tout petit peu puisque j'avais fait un scénario et ce scénario avait été tourné en 1917. Mais c'est à la fin de 1917 que je me suis trouvé assis, rue de Valois, au milieu de garçons qui, comme moi, étaient affectés à cette section cinématographique de l'armée, mais qui, pour quelques-uns, connaissaient bien le cinéma que moi j'ignorais complètement. Marcel Lherbier, donc réalisateur, qui découvre le cinéma pendant la Première Guerre mondiale. Laurent Verret, ce sont des professionnels, bien sûr, qui découvrent le cinéma, pas tous. Il y a des gens qui sont affectés à ce service cinématographique de l'armée, rue de Valois. Quel est ce service? En fait, c'est cumuler de la documentation, alors sous forme de photographie et sous forme de film. Oui, il y avait trois objectifs, en fait, au moment de la création de ces deux sections qui finiront par fusionner en 1917, c'était d'une part, alors, de constituer une matière qui pourrait servir à contrer la propagande ennemie, la propagande allemande à l'étranger, dans les pays neutres. Ça a été un des objectifs, puisque finalement on constatait qu'il y avait des images qui étaient produites par l'Allemagne qui circulaient dans ces pays-là. Donc il fallait montrer aussi que la France était capable de produire elle-même une sorte de contre-propagande. Le deuxième objectif, c'était alors d'alimenter la presse nationale. Et le troisième objectif qu'on oublie un peu, mais qui était pourtant fondamental, c'était la constitution d'archives. Il y a une conscience à ce moment-là très forte, qui découle aussi du fait que la plupart des protagonistes sont des gens qui travaillent un peu auprès du ministère des Beaux-Arts ou qui sont déjà des gens conscients de la notion, on dirait aujourd'hui, de patrimoine. Et donc l'idée de garder des traces de cet événement extraordinaire, exceptionnel qui débute, garder des traces visuelles, va s'imposer rapidement. Donc il y a cette idée qu'on va constituer des archives avec des discours, d'ailleurs, dès 1915-1916, assez étonnants, où on dit qu'en gros, cette matière visuelle servira les historiens du futur et qu'ils pourront bénéficier d'une documentation beaucoup plus véridique que les documents écrits. Donc voilà, c'est un peu les trois objectifs. Contre-propagande à l'extérieur, diffusion d'informations à l'intérieur du pays et constitution d'archives. Laurent Verret, justement, avec ces trois objectifs que vous soulignez de manière très juste, on a un développement du cinéma. Et cet aspect-là est essentiel. C'est René Jeanne qui en parle. René Jeanne est un personnage étonnant. Il est critique de cinéma, il est aussi écrivain, et puis il a fait l'acteur, et puis il a aussi tourné quelques films. René Jeanne, encore une fois, bien plus tard, en 1953, revient sur le cinéma pendant la Première Guerre mondiale. Pour le cinéma allemand, vous savez que le cinéma allemand, avant la guerre de 14, était pour ainsi dire inexistant, et qu'il est né des nécessités de la guerre, où il est entré au service de la guerre pour faire œuvre de propagande. Lorsque la paix est revenue, le cinéma en Allemagne a continué à servir la cause allemande. Et sa première activité a été consacrée à des films de propagande de caractère historique, soit à la gloire de l'Allemagne, ou pour dénigrer l'histoire des pays ex-ennemis. C'est ainsi que l'on a vu contre la France et la Révolution française un certain Danton, contre l'Angleterre un certain Henri VIII, et au contraire, pour exalter la Grande Allemagne, des films comme Frédéricus Rex et autres. Laurent Verret, est-il possible de dire que, quel que soit l'objectif, que ce soit simplement de la collecte d'images pour les archives ou bien de la propagande, la Première Guerre mondiale a favorisé l'essor du cinéma ? Alors, ces deux témoignages sont vraiment passionnants, que ce soit celui de l'herbier qu'on a entendu tout à l'heure ou celui de René Jeanne à l'instant, mais il faut les replacer dans leur contexte. Vous l'avez vous-même souligné, ce sont des témoignages réalisés a posteriori. Celui de l'herbier me paraît absolument fascinant dans le sens où on comprend quand l'herbier raconte à quel point la découverte du cinéma et en particulier du cinéma d'actualité l'a frappé et a déterminé, on pourrait dire, sa carrière de cinéaste, parce qu'avant il se rêvait plutôt écrivain ou musicien, mais c'est vraiment la découverte de ses actualités, de la dimension documentaire, comme il le dit qui va le pousser à vouloir faire des films. Donc c'est vraiment le début de sa carrière à ce moment-là. Le témoignage de René Jeanne est un peu différent dans le sens où lui, il est déjà un acteur, c'est vrai, du service cinématographique de l'armée, hein, il en fait partie à ce moment-là. Et le témoignage a posteriori est un peu faux dans le sens où il a une vision du cinéma allemand qui est assez caricaturale. Il a tendance à... Bon, il rappelle un certain nombre de films qui ont été produits effectivement par l'UFA, qui ont été une grosse structure de production qui est née de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les Allemands, les Ludendorff et d'autres, ont pris conscience dès 1917 du cinéma comme arme de guerre. C'est le terme qu'ils utilisent assez souvent dans des textes à ce moment-là. Et donc, ils ont créé une structure de production à la fois publique et privée qui a donné naissance après la guerre à l'UFA, qui est un des plus gros studios de production européens et qui concurrence non seulement la France, mais aussi parfois les États-Unis. Mais il a une vision des films qui sont réalisés par l'UFA dans l'immédiat après-guerre ou au début des années 20, comme une sorte de prolongement de la propagande allemande de la Première Guerre mondiale. Et notamment, il fait référence à des films célèbres qui concernent l'histoire de France ou des événements historiques majeurs. Et pour lui, c'est une forme de propagande, comme si l'Allemagne poursuivait après la guerre une propagande culturelle par le biais du cinéma. C'est vrai que l'Allemagne domine à ce moment-là le marché européen et concurrence, comme je disais, un peu le marché américain. Mais c'est une vision, je trouve, qui est quand même un petit peu caricaturale et qui est celle d'un homme qui a vécu cette période-là et qui a sans doute été très marqué, évidemment, par ce qui s'est passé et qui continue peut-être encore dans les années 50, parce que je pense que c'est un témoignage qui date des années 50. On est 53. À avoir une vision comme ça encore un petit peu binaire, hein, on va dire, de l'opposition entre la France et l'Allemagne par le cinéma, deux cultures qui s'affrontent et qui continuent à s'affronter finalement comme s'il n'y avait pas eu de démobilisation culturelle pendant la guerre, mais qu'on continue encore dans les années 20 par le biais du cinéma et en l'occurrence du cinéma de fiction cette fois, à développer des propagandes nationales en fait. Avec toujours cette réflexion autour de l'image de propagande, de l'utilisation du cinéma pour de la propagande, une fois encore, Laurent Verret, nous allons écouter des acteurs du moment et pas des moindres, en l'occurrence c'est René Jeanne, dont on a déjà parlé, qui discute avec Abel Gance, le réalisateur français et scénariste aussi. Abel Gance et René Jeanne qui évoquent le film Contre la guerre. Mon cher René Jeanne, si vous m'avez vu sous l'uniforme, vous avez dû rire parce que il était fort dépareillé à l'époque. Vous vous rappelez un petit peu quand nous étions de pauvres auxiliaires et à titre d'auxiliaire, nous n'avions pas droit à des uniformes de bonne qualité et de bonne coupe. Enfin, ça ne nous a pas empêché de faire des films qui ont été parmi les très grandes réussites de l'époque. Je dois dire que vous disiez tout à l'heure qu'on avait très bien jugé nos compétences. Moi, on m'avait donné à faire un film qui s'appelait Les animaux pendant la guerre. Oui, c'était je ne sais pas trop pourquoi on me faisait faire un film qui avait comme titre des animaux pendant la guerre, alors que les hommes se tuaient très près de nous. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, comme j'ai vu tous mes amis qui tombaient, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un film contre la guerre, parce qu'en fin de compte, cette boucherie devait se terminer. Laurent Verret, nous venons d'entendre Abel Gance qui évoque son rôle pendant la guerre et sa décision de faire un film contre cette boucherie. La section photographique et cinématographique de l'armée maîtrise évidemment toutes les images qui sont tournées. Là, nous pouvons évoquer la propagande. Mais y a-t-il des images de la Première Guerre mondiale qui échappent à un contrôle de l'armée ? Oui, alors la production d'images d'actualité, alors il faudrait s'entendre même sur cette expression images d'actualité qui couvre en réalité plusieurs types de films, hein, c'est-à-dire des bandes d'actualité qui sont diffusées dans les cinémas, mais il y a aussi toute une production institutionnelle très importante. Il y a une production documentaire aussi. Les historiens du cinéma ont parfois tendance à l'oublier, mais c'est pendant la Grande Guerre justement qu'en France et en Angleterre on voit apparaître les premiers longs métrages documentaires sur des sujets spécifiques liés à la guerre, c'est-à-dire des films qui peuvent faire entre 20 minutes et une heure. Donc il y a une production assez massive et assez variée. Et ce qui est vrai, c'est que malgré les contrôles, il n'est pas question de nier que l'armée et les autorités civiles de l'époque ont cherché à contrôler ces images-là, comme ils cherchent à la même époque à contrôler la presse écrite. En réalité, la différence, c'est que ce média, il est un peu particulier. Il n'est pas tout à fait maîtrisable, je dirais, comme peut l'être l'écrit. Et que du coup, la spécificité, je dirais, de la caméra, hein, qui est vraiment un outil très particulier, réside dans sa capacité, finalement, alors certes, à enregistrer ce qu'on veut bien lui faire enregistrer, mais elle est capable d'enregistrer aussi, parfois, des imprévus. Elle est capable d'enregistrer presque des lapsus, hein, des éléments qui n'étaient pas prévus dans la durée d'un plan. Il y a parfois des indices comme ça qui peuvent être enregistrés malgré celui qui se sert de cette caméra et malgré ceux qui vont les utiliser, ces images après, et qui renvoient à ce qu'on ne voit pas directement, hors champ. Donc il y a des fragments de réalité, on pourrait dire, qui peuvent passer comme ça, qui surgissent par moments et qui peuvent finalement en dire ou en montrer beaucoup plus qu'on pourrait le croire ou le voir. Et c'est vraiment le cas de tout un tas de vues qui concernent le No Man's Land, ce fameux champ de bataille, voilà, qu'on va filmer en long et en large, le corps et le visage des blessés, évidemment des mutilés, mais des soldats aussi qui peuvent être filmés dans des moments qui précèdent ou qui suivent la bataille et dont les regards sont souvent très évocateurs, très très durs et traduisent la souffrance, hein, la dureté même évidemment du combat. Donc voilà, c'est cette capacité qu'a la caméra et c'est pour ça que je pense que c'est un outil tout à fait singulier à cette époque-là, parce que il a cette capacité aussi à dépasser finalement la maîtrise de ceux qui l'utilisent. Hein. Il y a un théoricien du cinéma, Béla Balage, qui écrira un petit peu plus tard, dans les années 30, hein, mais à propos de ces images de la Grande Guerre, que la caméra est pour lui l'outil moderne par excellence parce qu'il développe justement cette nouvelle sensibilité qui est celle du regard, hein, de l'œil, qu'il appelle justement culture visuelle. Et c'est un peu tout l'enjeu d'ailleurs de mon travail, d'essayer d'approcher cette culture visuelle des contemporains à travers, je dirais, l'analyse de la spécificité de toutes les images qu'ils peuvent voir, parce que ces images, elles sont très nombreuses. On parle d'images d'actualité, mais il y a évidemment aussi toutes les images de fiction. La production visuelle est absolument massive et exceptionnelle pour l'époque. D'autant que ces images nous sont utiles. Nous regardons le passé avec les images, mais souvent elles nous semblent crédibles, alors que c'est le rôle de l'historien. Merci beaucoup, Laurent Verret. Il faut les contextualiser, les analyser. Ce sont des documents historiques. Il faut savoir lire les sources et puis vous évoquer cette culture visuelle qui semble essentielle pour la Première Guerre mondiale et aujourd'hui encore. Votre ouvrage « Avènement d'une culture visuelle de guerre, le cinéma en France 1914-1928 ». Merci beaucoup Laurent Verret. Merci à vous. Et maintenant, dans le cours de l'histoire, il est l'heure de retrouver Anaïs Quien pour son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce soir à 21h, nous sommes devant France 3 pour regarder Après la guerre, l'impossible oubli, le film de Gabriel Lebeaumin, mais juste après un autre documentaire, celui de Jérôme Prieur, Occuper l'Allemagne 1918-1930. Ce sera à 22h40, toujours sur France 3. Jérôme Prieur part en quête de l'expérience combattante de ses grands-pères. Dans un essai paru en 2018, La moustache du soldat inconnu, il cherchait l'expérience sensible du premier combattant des tranchées. Dans « Occuper l'Allemagne », il part sur les traces de son deuxième aïeul. Mon autre grand-père n'avait été mobilisé qu'en 1919, après l'armistice. Comme il avait appris l'allemand à l'école, il était parti avec l'armée française occuper le pays des vaincus. Cela ne m'étonnait pas. C'était moins redoutable que la guerre des tranchées, qui n'avait laissé que ruines et désastres.